Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, mais je voulais pas que ça se passe ainsi. Si j'avais su, si j'avais su. Mélange de regrets, amer qui passe mal ces temps-ci. Si j'avais su, tant de tristesse autour de ce sommeur. Je me sens mort parfois à certaines heures. Le désordre s'invite, sans garde invite. Résiste et réside dans ma vie. Si j'avais su, j'aurais tout tenté. Pour celle pour qui j'ai hanté, moi le fantôme de ces nuits. Si j'avais su, déçu d'avoir vu ce que parfois j'ai vu, voire entendu. Si j'avais su, j'aurais jamais jeté le sac pour oser comme yo. Trouver ma voix dans les stables. Si j'avais su, j'aurais tout donné pour que l'on reste ensemble sans déconner, toujours soudé. Si j'avais su, déçu d'avoir pu ce que parfois j'ai lu, j'y ai trop cru. Si j'avais su, j'aurais réagi et pas accordé toute ma confiance ainsi. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, mais je voulais pas que ça se passe ainsi. Si j'avais su, si j'avais su. Mélange de regrets, amer qui passe mal ces temps-ci. Si j'avais su. On a tous mille et un regrets, tous des dossiers qu'on empile là, en retrait, différents degrés, avec des si je devais, un message ici, si j'avais su je serais, j'arrête, car je veux plus vivre dans le passé, ce qui s'est passé, vaut mieux pas le dépasser, les passer par des choix, je ne veux plus réfléchir à deux fois, alors, si j'avais su, j'en ai assez, mon texte proposé, pour exorciser mes plaies qui en moi sont ancrées, d'entrée je lâche mon ancrée, je me confie au mic sans vanter d'emblée, je suis inspiré dans cette spirale où l'on ressasse ses pensées. Du temps dépensé à penser, pourquoi penser. Si j'avais su mon ultime procès, si j'avais su un thème mûri et posé. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, mais je voulais pas que ça se passe ainsi. Si j'avais su. Si j'avais su, mélange de regrets, amer qui passe mal ces temps-ci. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, ouais, ouais, si j'avais su.